talmudique. Entre avril et juillet 1096, des chrétiens venus du nord de la France, d'Allemagne et d'Angleterre traversent la vallée du Rhin, répondant à l'appel à la croisade lancé par le pape Urbain II en 1095. Sur leur passage, ils massacrent des centaines de juifs, hommes, femmes et enfants, en leur imposant la conversion ou la mort. Beaucoup périssent alors, tués au fil de l'épée, d'autres sont convertis de force, et un grand nombre, refusant de se faire baptiser, choisit la voie du martyr et se donne la mort. Jamais jusque-là, dans l'Occident du Nord-Ouest, les Juifs n'avaient été victimes d'attaques d'une telle violence et d'une telle ampleur. Ces événements ont été transmis par de nombreuses sources, dont un manuscrit de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, qui comprend deux chroniques hébraïques des XIe et XIIe siècles. Le grand rabbin René Gutmann les a déchiffrés et annotés. L'historienne Aude-Marie Certain en a fait une analyse et une présentation exhaustive, donnant lieu à un ouvrage commun passionnant qui vient de paraître aux éditions de l'Éclat sous le titre « Le baptême ou la mort » et sous-titré « Les massacres des Juifs dans l'espace rhénan à partir de deux chroniques juives des croisades, XIe et XIIe siècle ». Un livre qui n'est pas seulement la mise à disposition de ces événements à la connaissance du public, car ces chroniques et les poèmes liturgiques qui les accompagnent posent en effet des questions majeures. Comment s'écrit l'histoire ? Quel est le rôle des archives ? Quelle est la différence entre la mémoire et l'histoire ? Comment le passé peut-il éclairer notre présent ? C'est à quelques-unes de ces questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui, en compagnie des deux auteurs de cet ouvrage. Aude-Marie Certain, René Gutmann, bonjour. Bonjour. Aude-Marie Certain, vous êtes agrégée et docteur en histoire, maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'Université de Haute-Alsace, spécialiste des sociétés urbaines du monde germanique et auteur de très nombreux articles. René Gutmann, vous êtes ancien grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, docteur en sciences religieuses de l'École pratique des hautes études et auteur de plusieurs traductions de textes fondateurs de la pensée juive médiévale. Ma première question porte sur l'intérêt respectif qui vous a conduit à cette recherche et à cette rencontre intellectuelle et éditoriale, René Gutmann. En ce qui me concerne, ce n'est pas complètement étrange ni un hasard, puisque parallèlement à mes études rabbiniques, ma première rencontre avec l'histoire médiévale fut faite en fréquentant les séminaires de Jacques Le Goff, dont j'avais suivi le séminaire sur les exemplats de Césaire de Esterbach, ce qui me donna d'ailleurs l'idée de choisir comme sujet de mémoire de maîtrise, dirigé par Georges Vaïda, l'exemplum dans le Sefer Hassidim, le livre des piétistes de Judas et Hassid du XIIe siècle, avec ceux de la légende dorée. Et donc, à mes yeux, la traduction de ces deux chroniques hébraïques des croisades ne pouvait pas faire l'économie de leur présentation ou de leur analyse à l'aune de l'histoire, et pas seulement de l'histoire ou de la religion propre au judaïsme. Et c'est de là, de cette prise de conscience, est née cette belle rencontre et cette précieuse collaboration avec Aude-Marie Certain, sans laquelle ce livre n'aurait pas pu être réalisé, grâce en particulier à sa très remarquable présentation. Et cerise pour le gâteau, ce fut aussi pour nous deux l'occasion de mettre en lumière un manuscrit hébreu de la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, ce qui nous fait aussi plaisir en tant que Strasbourgeois. Aude Certain, qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet ? Vous qui êtes plus particulièrement intéressé par la question de la paternité dans cette période en Allemagne. Oui, alors c'est vrai que j'ai travaillé sur la paternité dans ma thèse, mais surtout je suis spécialiste des villes allemandes au Moyen-Âge. Et ça fait donc des années, depuis ma thèse, que je travaille sur ces sociétés urbaines et que j'ai envisagées en fait pendant des années sous l'angle des chrétiens, parce que les sources, les archives que je mobilisais étaient écrites par des chrétiens. Et puis au fil du temps, il m'est apparu que je pouvais pas faire l'histoire de ces villes allemandes sans intégrer l'histoire des communautés juives, parce que ces communautés juives, elles sont extrêmement importantes dans l'Empire allemand, notamment dans le monde rhénan, que les juifs représentent 15% de la population urbaine dans certaines villes, que dans le monde rhénan, il y a des juifs dans presque 75% des villes. En somme, l'histoire des communautés juives, c'est un élément indispensable pour appréhender celle des sociétés urbaines germaniques au Moyen-Âge. Voilà, partant de ce constat que j'ai commencé à ouvrir de nouveaux champs de recherche. Et c'est ce qui m'a amené, bien l'année dernière, en 2023, à organiser une rencontre scientifique sur le thème des Juifs et de la ville dans le monde rhénan. Une rencontre qui va d'ailleurs être publiée là vers la mi-novembre. Et René Gutmann avait eu la gentillesse de participer à cette rencontre et à la publication. Et donc c'est à cette occasion qu'on a commencé à collaborer ensemble et ensuite donc à échanger, à travailler autour de ces chroniques hébraïques sur les croisades qu'il m'a fait découvrir. Très belle rencontre que l'on va approfondir dans ce dialogue aujourd'hui. J'ai évoqué les massacres des communautés juives de la première croisade en 1096. Que s'est-il passé exactement? Quelles communautés furent touchées? De quelle façon? Quel était le contexte historique de ces communautés? En quoi les croisades et ces massacres sont exceptionnels dans l'histoire, Aude Certain? En fait, après l'appel à la croisade du pape Urbain II à la fin de l'année 1095, il y a des groupes de croisés qui vont se constituer en France, en Allemagne, en Angleterre, et qui vont traverser la vallée du Rhin au printemps 1096. Et sur leur passage, ils vont massacrer des centaines de Juifs en leur imposant l'alternative entre eux, le baptême ou la mort. Et donc dans ce contexte-là, il y a beaucoup de Juifs qui vont être tués au fil de l'épée. Un certain nombre vont être baptisés de force. Et puis il y en a d'autres qui vont choisir le martyr, qui vont, en refusant de se faire baptiser, qui vont décider de se suicider collectivement. Et dans leur ensemble, on estime que ces massacres ont fait environ 5000 victimes dans le monde rhénan, en Hongrie et en Bohême, ce qui est énorme. Et alors ces massacres, ils vont particulièrement toucher les trois grandes villes que sont Spire, Worms et Mayence, des villes qu'on appelle communément les villes de Choum. Alors Choum, c'est un acronyme qui renvoie aux initiales hébraïques de ces trois villes. Et donc c'est ces trois villes qui vont être les plus touchées, même s'il y a des différences entre elles, parce qu'à Spire, les Juifs ont quand même bénéficié de la protection de l'évêque, ce qui va permettre de limiter le nombre de victimes. Mais en revanche, à Worms et à Mayence, bien là, l'aide des évêques ne va pas suffire, et le passage des croisés, qui vont être aidés par une partie des citadins, va se traduire par des centaines de morts. Les chroniques parlent de 800 morts à Worms, parlent de 1000 à 1300 victimes à Mayence. Donc là encore des chiffres énormes en soi bien sûr, mais aussi eu égard à la taille des villes à cette époque. Et juste pour comprendre ces chiffres, je me permets juste de rappeler voilà que ces communautés juives des villes de Choum, elles sont alors en plein développement depuis le XIe siècle. Les Juifs ont en effet bénéficié du soutien appuyé des évêques et de l'empereur, qui leur ont octroyé de nombreux droits et de nombreux privilèges, notamment à Spire, l'évêque Rüdiger, en 1084, a donné aux Juifs des privilèges tout à fait exceptionnels pour l'époque. Donc en fait, voilà, en cette fin du XIe siècle, ces villes de Choum sont vraiment des centres déjà importants du judaïsme, tant sur le plan démographique, culturel qu'institutionnel. Et c'est donc ces trois villes qui vont être particulièrement touchées, même si ces massacres vont aussi toucher d'autres villes autour et un peu plus au sud, des villes du sud du monde germanique, Ratisbonne et Prague entre autres. Des archives de provenance diverse documentent ces massacres de 1096, parmi lesquels les chroniques et les poèmes hébraïques que vous publiez dans cet ouvrage. Je me suis demandé, René Gutmann, quelles sont ces deux chroniques, qui en sont leurs auteurs et que racontent-elles? Et peut-être, pour commencer, vous pourriez nous en lire un passage, René Gutmann. Oui, je vais lire un extrait de la première chronique, celle de Rabbi Eliezer Bar Nathan de Mayence. Donc la première chronique nous fait état donc des massacres et se termine par une sorte de dialogue entre l'auteur et Dieu par rapport à la tragédie qui a été vécue. De telles choses ne vont-elles pas tinter dans les oreilles de ceux qui entendent? Car qui a entendu de telles choses? Qui a vu de pareils faits? Y eut-il jamais en un seul jour 1000 akédotes, c'est-à-dire 1000 ligatures, en référence à celle de Isaac? L'univers, continue l'auteur, n'a-t-elle pas vacillé quand une seule d'entre elles fut accomplie sur le mont Moria? Voici, et des anges poussent des cris, les anges de la paix pleurent amèrement. Les cieux cependant ne se sont pas assombris, ni les étoiles n'ont retenu leur brillance. Pourquoi la lune et le soleil ne se sont-ils pas obscurcis, alors que 1300 âmes saintes furent assassinées en un seul jour, et parmi elles plusieurs enfants et nourrissons qui n'avaient commis ni péché ni transgression? Combien d'âmes pauvres et chères? Après cela, Peux-tu demeurer insensible? Peux-tu garder le silence? Nous avons lu maintenant un extrait de la première chronique. Elle est due à Rabbi Eliezer Bar Nathan, grand talmudiste qui a rédigé cette chronique avec d'autres ouvrages, donc à Mayence, vers le 1190. Et ce texte, nous l'avons découvert dans un manuscrit hébraïque qui se trouve à la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, qui contient également la chronique de Ephraim de Bonne, le Sefer Zechira, le livre de la souvenance, un document en hébreu qui contient 16 folios, rédigés en écriture cursive ashkenaze, et qui a été copié par un juif alsacien, Asher Bar Eliezer Alevi de Reichshofen. René Gutmann, est-ce que c'était compliqué de déchiffrer ce manuscrit ? C'est pas trop compliqué parce que ces textes ont été édités au début du 19e siècle, en particulier dans les grandes collections d'archives des Juifs d'Allemagne médiévale. Et cela m'a donc aidé à faire la traduction la plus précise qui soit possible. Aude, certains, on se pose la question de la distinction fondamentale qu'il faut faire, peut-être, entre l'écriture de l'histoire, ce qu'on appelle l'historiographie, qui est le travail de l'historien, et l'écriture de la mémoire, qui passe par la chronique, comme on vient de l'entendre, par exemple, l'élégie, la poésie, et que nous offrent les poètes, les écrivains, les chroniqueurs ou encore les rabbins et exégètes. Je pense à la distinction entre mémoire et histoire que fait Yosef Haïm Yerushalmi dans son célèbre ouvrage « Zachor, histoire juive et mémoire juive », un livre devenu depuis une référence incontournable. Aude Certain. Oui, ben en effet, l'histoire et la mémoire entretiennent des rapports très différents au passé. La mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective, elle relève de la sélection d'événements du passé. Dans la mémoire, on choisit de se souvenir de certaines choses et d'en oublier d'autres. Et ces événements dont on se souvient et la façon dont on s'en se souvient diffèrent selon les époques. L'histoire, c'est tout autre chose. C'est une démarche scientifique qui repose sur l'analyse d'archives, envisagée de la façon la plus large possible. Ça repose aussi sur un travail de contextualisation et sur une méthode d'analyse distanciée des sources. Et le travail de l'historien, il est toujours animé, mu par un désir d'objectivité, de vérité sur le passé. Même si c'est important quand même de le préciser, l'histoire, elle est toujours en travail. C'est pas un savoir définitif ni un savoir de surplomb. Et on voit donc que l'histoire ne coïncide pas avec la mémoire. Et l'histoire ne vise pas du tout à confirmer ou à restaurer la mémoire. Ce sont donc deux choses très différentes. Et c'est une chose effectivement qu'a montré de façon magistrale Yerushalmi dans cet ouvrage que vous évoquiez, Zahor, un ouvrage tout à fait incontournable sur cette question de la mémoire et de l'histoire. Il explique de façon magistrale ces rapports radicalement différents de la mémoire et de l'histoire au passé. Je me permettrai juste de citer deux phrases de cet ouvrage qui me semble synthétiser très bien la pensée de Yerushalmi. Il écrit « L'histoire procède à rebours de la mémoire collective qui opère une sélection drastique. Dans la mémoire, certains souvenirs demeurent, le reste est amplement rejeté par un processus de sélection que l'historien, qui n'y a pas été invité, perturbe, inverse. » Voilà, je crois que c'est une définition vraiment magistrale de l'histoire et de la mémoire et de leurs différences. On rencontre cependant des situations où l'histoire va à la rencontre de la mémoire et la mémoire à la rencontre de l'histoire, ce qui me semble être le cas dans votre ouvrage, Aude Certain et René Gutmann. À travers vous, c'est-à-dire avec votre livre, les archives de la mémoire éclairent les archives de l'histoire et inversement. En fait, moi, en tant qu'historienne, ce qui me semble intéressant sur ce plan, c'est de proposer une approche historique de la mémoire, c'est-à-dire d'étudier en histoire le contenu et les formes de la mémoire et leur évolution dans le temps. Et pour en revenir donc aux chroniques hébraïques dont on parle aujourd'hui, moi je trouve qu'il est très intéressant de porter vraiment un regard historique sur ces textes pour montrer qu'on a différents supports de la mémoire. Il y a les chroniques hébraïques, il y a des poèmes liturgiques, il y a ce qu'on appelle en allemand des Memorbücher, des livres de mémoire où sont inscrits le nom des morts. On a des récits, on a des prières. En fait, on a différents types de textes qui portent le souvenir de ces événements. Et ça, c'est intéressant à étudier parce qu'on voit que ces différents médiums de la mémoire, ils élaborent chacun à leur façon ce passé, parfois d'une façon plus descriptive, parfois dans un cadre liturgique, mais on a différentes modalités de discours mémoriel. Voilà, et je trouve que c'est intéressant de faire cette histoire de la mémoire parce que finalement, ça permet d'éclairer les dynamiques et les évolutions de la culture juive ashkénaze dans le temps long, en fait, du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Nous sommes en train d'entendre un extrait de l'élégie de Troyes chanté par l'ensemble Alla Francesca, dont on peut découvrir les paroles et la présentation dans votre livre. Bien que datant de 1288, on retrouve dans cette élégie des éléments communs au massacre de 1096. On y voit notamment comment les hommes, les femmes et les enfants meurent pour le Kiddush Hashem, expression importante à comprendre, qui dit beaucoup de la psychologie de ces générations. Mais j'aimerais d'abord qu'on lise un passage de ce texte. Alors voilà, je vais lire un extrait de la chronique d'Eliezer Barnatan. L'ennemi se dressa contre eux et tua à dessein les petits-enfants et les femmes, les adolescents et les vieillards en une seule journée, un peuple au visage orgueilleux qui ne respecte pas le vieillard ni ne fait grâce à l'enfant. L'ennemi n'eut pitié ni des bébés, ni des nourrissons, ni des femmes sur le point d'accoucher. Ils ne laissèrent aucun survivant, et rien ne resta, si ce n'est quelques deux ou trois baies, occupées qu'ils étaient à sanctifier avec impatience le nom du ciel. Là aussi, quand l'ennemi fut sur eux, ils crièrent tous, d'un seul cœur et à haute voix, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ». Certains pieux vieillards, revêtus de leur châle de prière frangée, assis dans la cour de l'évêque, s'empressèrent de faire la volonté de leur Créateur, ne cherchant pas à s'enfuir à l'extérieur pour seulement jouir d'une vie temporelle, mais acceptant le jugement du ciel avec amour. L'ennemi leur lança des pierres et des flèches, mais ils ne cherchèrent pas à se précipiter pour fuir. Les femmes, elles aussi, se saignirent les reins avec courage et égorgèrent leurs propres fils et filles, puis elles-mêmes. Des hommes au cœur tendre rassemblèrent leurs forces et égorgèrent leurs femmes, leurs fils, filles et leurs nourrissons. La plus sensible et la plus délicate des femmes égorgea l'enfant de ses délices. Alors là, on voit dans ce texte terrible une forme de suicide collectif pour échapper à la mort qu'on pourrait leur donner et surtout au baptême qu'on voulait exiger d'eux. Il y a une formule en hébreu qui parle de Kiddush Hashem, qui est un terme qui revient souvent dans cette chronique et les autres chroniques. Qu'est-ce que le Kiddush Hashem et comment le comprendre au regard de la loi juive, grand rabbin René Gutmann? Le Kiddush Hashem peut se traduire par la sanctification du nom de Dieu, du nom divin, c'est-à-dire la façon de rendre honneur à Dieu et au judaïsme. C'est un concept effectivement fondamental dans la religion juive, et il désigne des actes qui, directement ou indirectement, peuvent être effectivement source de sanctification entre le croyant et son Dieu. Et cette participation humaine au kiddush, donc à la sanctification, peut effectivement s'accomplir à l'extrême par le martyr. Mais il faut savoir que dans la Torah, il y a, dans le Pentateuque, nous avons deux versets qui insistent sur la prééminence de, non seulement de la vie, mais de la préservation de la vie en toutes circonstances, voire même quitte à enfreindre les commandements bibliques. Je cite juste les deux versets. Le premier, c'est dans le Deutéronome, chapitre 30, verset 19, où Baharta Bachaim choisit donc la vie. Et un autre verset, plus précis par rapport justement à l'enjeu entre la pratique et la survie du croyant, Deutéronome, chapitre 4, verset 1, pour que vous les mettiez en pratique, donc tous les commandements, afin que vous viviez, le man tiriou. Et cela veut dire que non seulement la vie était en danger, mais même un doute sur la préservation de la vie pouvait être mis en question. Un juif se doit et est obligé même d'enfreindre tous les commandements, même ceux qui nous paraissent parfois les plus importants dans la vie juive, afin de préserver la vie humaine. Ceci étant, l'histoire et le contexte historique des persécutions des juifs par rapport et en raison de leur attachement à la religion juive, a fait que, au IIe siècle, au synode des rabbins de Lod, fut formulée une halakha, on pourrait l'appeler la loi du martyr, déclarant que, en période de persécution religieuse, et si c'était en public, l'obligation devrait être faite que, si un juif devait accomplir trois transgressions, qui sont l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre, il vaudrait mieux qu'il meure plutôt qu'il reste en vie. Et cette indication-là a servi d'exemple pour les Juifs dans différentes circonstances, en particulier lors de la prise de Masada et de la citadelle de Bétar en 135-137 après l'ère chrétienne. Mais il faut préciser que Et moser nafsho, en hébreu, c'est-à-dire être prêt à offrir sa vie, c'est un idéal. On ne peut pas forcer quelqu'un à le faire. Et donc, il faut entendre le Kiddush Hashem dans cette situation extrême comme un idéal. Et savoir aussi que c'est un idéal qui n'a pas toujours été reconnu comme valide par la halakha, par la loi juive. En effet, on doit être très prudent à veiller à ne pas engager autrui à ce que soi-même on prend sur soi. Les faits rapportés par les chroniques où des familles entières se sont entretuées ne sont pas restés dans la mémoire collective comme un acte aussi vertueux qu'on pourrait le penser à la lecture des chroniques. J'en prends pour preuve que ces faits n'ont pas été rapportés, ni relatés, ni même considérés comme des références dans la littérature halakhique, la littérature juive médiévale. Il y a un silence complet, autant dans les commentaires bibliques de Rashi que dans les commentaires de d'autres auteurs juifs de l'époque. Les seules références qu'on trouve, en particulier dans le Sefer Hassidim, le livre des piétistes, c'est justement une référence a contrario qui montre que il y avait une politique d'accueil et de reconnaissance envers ceux qui s'étaient fait baptiser sous la contrainte pour les accueillir à nouveau et leur donner toute leur place dans la communauté juive. Donc là aussi on voit, et Onar le Certain avait raison de signaler, selon l'époque, selon les différentes lectures, même des faits qui nous paraissent exceptionnels peuvent aussi être interprétés différemment, et c'est la raison pour laquelle le regard de l'histoire était tout à fait nécessaire pour analyser ces chroniques. Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire, René Gutmann, parce qu'il y a des modifications, des perspectives d'analyse de l'histoire complètement différentes. Et là, je m'adresse à Aude Certain. La manière de percevoir cette période des croisades et des massacres perpétrés à cette occasion a évolué avec le temps chez les historiens. On est passé d'une lecture téléologique, martyrologique et lacrymale à une histoire globale de la société médiévale. Ce choix et ce changement de paradigme semblent éminemment importants. Expliquez-nous, Aude Certain, ces deux perspectives et ce qui les distingue et les conséquences pour la compréhension de l'histoire. Alors effectivement, il y a un important changement de paradigme dans la recherche historique sur l'histoire des Juifs depuis environ 20-30 ans, puisque tout au long du XXe siècle, il y a eu deux tendances historiographiques qui ont dominé. L'une qu'on a appelée l'histoire lacrymale, je ne vais pas revenir sur l'histoire de ce terme, mais en gros, c'était une tendance historiographique qui était centrée sur les souffrances du peuple juif. Oui. Et puis, il y a une autre tendance qu'on peut appeler téléologique, qui, après la Shoah, a envisagé finalement toute l'histoire juive à l'aune de cette tragédie. Et a fait d'ailleurs des massacres de 1096 le point de départ de la longue chaîne de souffrances qui mènerait à la Shoah. Et depuis une vingtaine d'années, donc depuis les années 2000 en gros, des changements se sont opérés dans la recherche historique, puisque on a jugé important d'envisager chaque époque dans sa spécificité, c'est-à-dire sans lire les événements passés à l'aune d'événements ultérieurs. Par ailleurs, il a semblé aussi important de déployer une méthode d'histoire globale, c'est-à-dire d'envisager la société médiévale dans son ensemble, en étudiant ensemble les juifs et les chrétiens. Et ce qui justifie une telle démarche, surtout dans le monde germanique, hein, c'est que les juifs et les chrétiens, ils vivent vraiment dans le même espace. Il n'y a pas de ghetto au Moyen-Âge dans les villes allemandes, je pense que c'est important de le rappeler. Les juifs et les chrétiens vivent dans les mêmes quartiers, dans les mêmes rues, dans les mêmes immeubles. Et les interactions, les contacts, les interinfluences sont constants, en fait, dans tous les domaines. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les juifs et les chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de diluer les spécificités culturelles, sociales et religieuses, mais plutôt de prendre la mesure des phénomènes d'appropriation et de différenciation, et aussi de reconnaître le fait qu'il y a eu aussi une cohabitation relativement pacifique entre juifs et chrétiens dans les villes allemandes pendant un certain nombre de décennies. Et c'est quand même ce contexte plutôt favorable. Donc là, je développe pas, j'ai pas le temps. Il faudrait amener des nuances et complexifier. Mais disons malgré tout qu'il y a un contexte plutôt favorable, par exemple au XIIe, XIIIe siècle, qui permet de comprendre le développement de la culture ashkénaze dans ces villes germaniques au Moyen-Âge. Je me suis demandé comment cette histoire des croisades et des massacres peut nous parler particulièrement aujourd'hui, René Gutmann. On a remarqué qu'entre les chroniques, il y a eu une évolution. Entre celle qui avait une dimension messianique, celle de Eliezer bar Nathan, et celle qui était beaucoup plus purement historique, comme celle d'Ephraïm de Bonne. Et cela indique qu'il n'était plus possible, au lendemain des croisades, d'interpréter l'histoire à l'aune d'une théodicée, affirmant la toute-puissance de Dieu, ou encore pire, la colère divine qui se serait abattue sur des communautés qui étaient tellement pieuses à l'époque. Et donc, il y a eu une rupture, je pense, une rupture dans l'interprétation des faits, même l'interprétation religieuse, une interrogation sur Dieu et sur son silence, sur lequel les textes nous montrent qu'elle était très prégnante, et le fait que les historiens affirment qu'au lendemain des croisades, ces communautés juives qu'on pensait quasiment annihilées se sont reconstruites et ont même profiter d'un renouveau, d'une renaissance, est peut-être dû à une prise de conscience pragmatique des communautés juives qui, consciemment ou inconsciemment, ont interprété les actes héroïques de leurs aïeux pour fortifier ce qu'on appelle aujourd'hui de manière très presque banale la résilience, mais je dirais la solidarité juive, en affermissant le contrôle des organisations des communautés, en prêchant une résistance, mais dans l'esprit de continuer, dans l'esprit de perdurer. Et je pense que si aujourd'hui nous sentons aussi des menaces qui pèsent sur les communautés juives ou sur le destin du judaïsme, que ce soit en Israël ou en diaspora, c'est peut-être aussi parce que après la Shoah, confronté aussi au silence de Dieu, il y a peut-être inconsciemment, même si ce n'est pas dit formellement par les responsables des communautés juives ou ni même par les rabbins, il y a peut-être une réflexion peut-être plus pragmatique qui met en avant la résilience, la résistance, plus que l'espérance, la volonté de continuer et d'aller au-delà du concept de la souffrance juive et de tirer un trait sur cette lecture lacrymale de l'histoire juive pour, avec résolution, s'engager pour un avenir meilleur. Aude Certain. C'est sûr que quand on parle de massacres de juifs en 1096, aujourd'hui en 2024, il est évident que ça résonne beaucoup avec l'actuel. Et il serait tentant de faire des parallèles. Mais voilà, moi je crois qu'en tant qu'historienne, cependant, je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de retenue sur ce plan parce qu'il n'est pas si simple de faire des parallèles entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, parce que le contexte n'est pas du tout le même parce que les réalités sociales, politiques, culturelles ont profondément changé et qu'on ne peut pas donc transposer le passé sur le présent. Et, mais pour ma part, il me semble important malgré tout de parler de ces massacres de 1096 aujourd'hui en 2024, au moins pour deux raisons. D'une part parce que, on l'a vu, hein, il s'agit quand même de massacres de masse, d'une violence inouïe, et que ces massacres, ils ne sont pas si bien connus que cela en France, notamment parce que jusqu'à la traduction de René Goutman, ces textes n'étaient pas accessibles en français. Et donc je crois qu'il est important de donner à lire ces textes, de faire connaître ces événements, et les mettre en jeu dans la réflexion collective, parce que c'est quand même des événements très marquants dans l'histoire de l'Occident. Et par ailleurs, je crois aussi qu'il est important de faire ce travail par rapport au geste historique lui-même. Parce que l'historien, au-delà du sujet qu'il évoque, au-delà de la période dont il est spécialiste, il propose de porter un certain regard sur les choses, un certain regard distancié, un regard aussi distancié que possible, aussi réfléchi, aussi objectif que possible sur les choses, un regard qui prend le temps aussi d'analyser, de lire, de comprendre le mieux possible les choses. Et je crois que ce regard historique, en ce qu'il est distancié et posé, il est extrêmement important dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Merci Aude-Marie Certin, merci René Goutman. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé aujourd'hui et autour duquel nous avons eu cette conversation absolument passionnante. Le baptême ou la mort, sous-titré « Les massacres des Juifs dans l'espace rhénan » à partir de deux chroniques juives des croisades, 11e et 12e siècle. C'est aux éditions de l'Éclat, une édition que nous saluons pour ce choix éditorial remarquable. Un livre qui fera date. Merci encore Aude-Marie Certin. Merci René Goutman. Merci à vous Marc-Alain Wachlin. Merci à vous pour cette invitation. C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Pierre Monteil, à la réalisation Alexandra Malka, Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.